And so I came to see him and listen for a while. And there he was, this young boy, stranger to my eyes, strumming my pain with his fingers. Wyclef Jean et Pras Michel, c'était les Fugees sur Réunion Première. Bon appétit si vous êtes à table, il est midi. Le journal de la rédaction vous est présenté par Antoine Garnier. Bonjour Antoine. Bonjour Ingrid, bonjour à tous. Cet après-midi, un nouveau tribunal ouvrira ses portes dans l'enceinte du palais de justice de Champfleury, le tribunal maritime de la Réunion. 6 tribunaux de ce genre ont été créés en France dans le cadre de la réforme pénale maritime. Pour qui, pourquoi une juridiction de la mer à la Réunion ? Explication dès le début de cette édition. Le projet de loi sur l'égalité réelle adopté hier à l'Assemblée nationale, le texte va maintenant être examiné devant le Sénat. Mais c'est déjà un premier succès pour Éric Abarèche, la ministre des Outre-mer, qui se félicite de l'adhésion de l'ensemble de la gauche et de l'UDI à cette loi. Nous l'entendrons. La gauche s'est donc montrée unie à l'Assemblée, mais sans rencontrer d'opposition, la loi sur l'égalité réelle ne satisfait pas pleinement toute la gauche. Pour les représentants de Jean-Luc Mélenchon à la Réunion, par exemple, le texte ne va pas assez loin pour réduire les disparités entre ultramarins et français de l'Hexagone. Nous l'entendrons. Et puis, après ce journal, un débat qui sera sans aucun doute très animé. Ce midi, on va parler de la carrière des lataniers dans C'est dans l'actu, avec cette question, les possessionnaires ont-ils vraiment le choix ? Pour en débattre, Philippe Dornier recevra Stéphanie Gigant, la présidente de l'association Latanier Noutkertvi, et Jean-Christophe Espérance, adjoint au maire de La Possession. On attend vos questions et vos réactions au standard au 0262 99 2000, par SMS au 06 92 70 2000 et aussi sur les réseaux sociaux. Bienvenue sur Réunion Première. C'est aujourd'hui que le tribunal maritime de la Réunion siégera pour la première fois, une nouvelle juridiction qui entre dans le cadre de la réforme pénale maritime. Le gouvernement avait prévu l'ouverture de 6 tribunaux maritimes, dont un à la Réunion, car en mer comme sur terre, les délits doivent être poursuivis devant la justice. Depuis l'année dernière, la préfecture avait lancé un appel à candidature pour recruter des assesseurs issus du milieu marin afin de siéger aux côtés du magistrat professionnel qui préside cette juridiction. Les professionnels de la mer sont donc appelés pour la première fois à la barre de ce tribunal spécifique ce mercredi, Christelle Floricourt. Oui Antoine, cet après-midi au palais de justice de Champfleury, quatre affaires devaient être jugées par ce nouveau tribunal maritime, mais l'une d'entre elles devrait être renvoyée. Trois de ces dossiers mettent en cause des pêcheurs maorais et la dernière, un réunionnais. Car la juridiction de Saint-Denis est compétente pour les affaires concernant la Réunion, mais aussi Mayotte et les terres australes et antarctiques françaises. Et sa particularité, comme vous l'avez dit, est qu'elle sera présidée par un magistrat professionnel assisté de deux assesseurs issus du milieu de la pêche, marin professionnel ou plaisancier. Et quels dossiers seront jugés devant ce tribunal maritime, Christelle ? Alors à la barre, les prévenus répondront d'infractions liées à la sécurité et à la vie humaine, à l'état technique des embarcations ou encore aux exercices irréguliers de commandement, comme par exemple la conduite d'un bateau sans permis de pilotage. Les dossiers attraits à l'exploitation minière des fonds marins seront également traités par le tribunal maritime. Pour résumer, Antoine, vous l'avez compris, ce mercredi après-midi, ce sont surtout des activités de pêche dissimulées qui vont être traitées par le tribunal maritime. Sauf pour l'une d'entre elles où un pêcheur saint-pierrois est mis en cause pour avoir loué ses services afin de transporter les employés et matériaux d'une société pour des travaux sur un projet ou le moteur au large de Pierrefonds. Christelle Floricourt. L'Assemblée nationale a voté hier le projet de loi sur l'égalité réelle présenté par le gouvernement et défendu par la ministre des Outre-mer, Erika Barrecht. 314 députés ont voté en faveur du texte, tandis que 140 ont voté contre, les membres du groupe Les Républicains notamment. Erika Barrecht, la ministre des Outre-mer, s'est dite ravie de l'adhésion de l'ensemble de la gauche et de l'UDI, mais se pose des questions sur l'opposition des députés LR, Les Républicains. Je suis très satisfaite de ce vote puisqu'on a été réunis toute la gauche et on a été au-delà de la gauche puisque l'UDI est venu voter avec nous sur ce texte. Donc on est au-delà de l'approche idéologique. Ce que je regrette moi, c'est que les Républicains ont voté contre. Ça veut dire qu'ils sont contre l'alignement du quotient familial pour les familles dans les Outre-mer, ce que je ne comprends pas. Ils sont contre l'alignement de l'allocation vieillesse pour les parents au foyer. Ça veut dire qu'ils sont aussi contre le fait qu'on ait dorénavant plus besoin, quand on est un travailleur indépendant, de prouver qu'on est payé les prestations familiales pour pouvoir bénéficier des allocations familiales. LR a été contre les avancées sociales et économiques de ce texte. Pour le reste, je trouve que c'est une très bonne nouvelle pour les Outre-mer. La ministre des Outre-mer, Erika Barrecht, interrogée hier à la sortie de l'hémicycle par Marie-Carline Chardonnet. Après son adoption par l'Assemblée, le projet de loi sur l'égalité réelle va maintenant être examiné devant le Sénat. Erika Barrecht se félicite donc de l'adhésion de la gauche à ce projet de loi. Cela ne signifie pas que toute la gauche est satisfaite. À la Réunion, on a entendu déjà les critiques du PCR ces derniers mois qui estiment que le texte ne va pas assez loin. Et c'est un peu la même analyse qui est faite par les représentants de Jean-Luc Mélenchon à la Réunion. Alexandre Caïto fait partie du comité de soutien du candidat du mouvement La France Insoumise dans l'île. Il était l'invité de la matinale aujourd'hui sur Réunion Première. J'ai pas l'impression que ça va régler les problèmes réels à La Réunion. Il y a 47% de pauvres dans la population réunionnaise. Que fait-on ? Rien. Les plus de 60 ans sont 30% à bénéficier du minimum vieillesse, alors qu'en métropole, il s'agit de 5% seulement. Il va peut-être falloir avoir des mesures concrètes pour sortir les gens de la précarité, et notamment nos aînés. Et vos propositions, justement ? Continuer à aligner les minima sociaux comme la loi a commencé à le faire, mais également avoir une politique volontariste, c'est-à-dire une vraie continuité des services publics à La Réunion, puisque nous manquons également de services publics stables et qui soient efficaces, parce qu'il y a un manque de moyens, de budget et de moyens humains. Et il va falloir réinvestir massivement. Alexandre Caïto répondait à Philippe Dornier, l'organisateur de la campagne de Jean-Luc Mélenchon à La Réunion, fait étape à Saint-Paul aujourd'hui avec la caravane pour l'égalité des droits, une manière d'aller à la rencontre de l'électorat populaire. Midi 7 sur Réunion Première, la suite du journal, Antoine Garnier. C'est la fête d'Ashoura pour la communauté chiite aujourd'hui. Les magasins sont fermés pour ces fidèles chiites. Le jour d'Ashoura est le jour de la commémoration du massacre de l'imam Hossein et de 72 membres de sa famille et partisans par le califat Omeyyade à Karbala en Irak. L'Ashoura symbolise la lutte contre l'oppression et les injustices, une journée de célébration et de prière, mais aussi une journée de deuil, comme nous l'explique Nasser Amin Goulamali. Il est le président président de l'Union Krodja Chia Isnacheri de La Réunion. C'est un jour où nous commémorons un deuil de par sa dimension sacrée, car Hussein a véritablement défendu l'islam et a prôné des valeurs que l'humanité a besoin. Et pour moi, oui, il a véritablement érigé un code des droits de l'homme. Et en ce jour particulier, justement, nous pensons aussi à toutes les personnes qui sont dans la souffrance et notamment aux victimes du terrorisme aussi. À 16h, il y aura cette procession qui, pour moi, c'est le cortège des valeurs universelles. Des propos recueillis au micro-réunion première de Johan Adamadorassi. Vous vous souvenez sans doute de ce défi qui consistait à se verser un seau d'eau glacée sur la tête devant une caméra, un moyen de sensibiliser la population sur la maladie de Charcot. Eh bien voici un nouveau défi collectif à relever, Mois sans tabac. Un mois pendant lequel les fumeurs arrêtent de fumer et les non-fumeurs les soutiennent dans leur effort. Ça commencera en novembre, mais le principe de l'opération est de se préparer en amont. Ce défi est une initiative du ministère de la Santé au niveau national. Elle est relayée à La Réunion avec le concours de l'Agence régionale de la Santé, de la Caisse Générale de la Sécurité Sociale et de l'association Saomé. Les explications non fumeuses de Sophie Persson. Il y a du pain sur la planche car les fumeurs à La Réunion, c'est 25% des adultes. C'est aussi 570 décès par an liés directement au tabac. Mais la bonne nouvelle, c'est que 68% des fumeurs ont envie d'arrêter. Alors vous avez encore quelques jours pour vous motiver et commencer votre mois sans tabac le 1er novembre. Pour vous aider, mieux vaut vous inscrire sur le site Tabac Info Service. C'est un site qui permet déjà d'accompagner les personnes qui arrêtent de fumer. Et puis il y aura des consultations gratuites aussi dans une centaine de pharmacies de Lille. Certaines personnes pourront également bénéficier de substituts nicotiniques gratuitement. Et puis les fumeurs qui veulent en finir avec le tabac pourront consulter gratuitement dans l'Est tous les mercredis après-midi de ce mois de novembre. Si l'opération est un succès, attention, il risque d'y avoir pas mal de personnes de mauvaise humeur en novembre. Il paraît en effet que l'arrêt du tabac rend un peu irascible au début. Sophie Persson. Le départ du Grand Raid sera donné dans 8 jours sur le front de mer de Saint-Pierre. Suivront ensuite ceux de la Mascareigne et du Trail de Bourbon. Place aux derniers préparatifs d'avant-course pour les participants. Delphine Poudroux a rencontré Frédéric, inscrit au Trail de Bourbon. Il profite de ses quelques jours de repos pour parfaire son équipement. Parmi ses derniers achats, une seconde peau obligatoire cette année sur le Bourbon pour le passage du Piton des Neiges. Et puis, il y a aussi tout un lot de compléments alimentaires et autres produits qui lui permettront de finir la course dans les meilleures conditions. Reportage Delphine Poudroux. Après 6 grands raids, Frédéric Baudjouin participera cette année au Trail de Bourbon. Et à quelques jours du départ, il est plutôt serein. On va faire ça tranquillement et puis essayer de prendre un maximum de plaisir. Mais bon, voilà. C'est avant tout pour le plaisir. Voilà. J'ai aucune prétention sur cette course. Bien sûr, comme tous les autres coureurs, il est en train d'organiser ses sacs de ravito. À l'intérieur, de quoi booster son organisme. Aujourd'hui, sur des distances comme ça, des formats de course de plus de 100 km, il est nécessaire d'avoir des compléments nutritionnels. Donc des boissons énergétiques, longue distance, antioxydantes. Après 3 jours avant la course, il est bien de prendre de la maltodextrine donc pour recharger le corps en glycogène, d'avoir une recharge d'énergie correcte avant la course. Comme tous les autres coureurs, et sans doute aussi surtout parce qu'il tient un magasin spécialisé pour les trailers, il sait qu'il va falloir varier les plaisirs. On a beaucoup de gels, de barres sucrées, donc voilà, de plus en plus les fabricants proposent voilà, des nouveaux produits, des barres salées, qui évitent à la personne de saturer en sucre et de ne plus pouvoir s'alimenter au bout d'un moment. Au-delà, bien sûr, pas question de négliger l'essentiel, ses pieds. Après la chaleur, la transpiration, les pieds ont tendance à macérer, donc il faut essayer de préparer ses pieds en amont de la course également. Mettre du talc, faire des bains d'eau citronnée, des choses comme ça. Et après, donc la crème NOC, voilà. Soigner ses pieds, ça c'est fait. Reste à soigner son sommeil, un passage obligatoire, malgré le stress, pour réaliser une bonne course. Nous sommes mercredi, ce soir votre magazine Dans les coulisses de s'intéresse à ce que deviennent nos déchets. Que se passe-t-il une fois que les éboueurs sont passés? Un reportage qui vous fera découvrir de l'intérieur le centre de tri et le centre d'enfouissement de Pierrefonds. Le traitement des déchets, ça coûte cher, techniquement c'est compliqué, c'est aussi un enjeu environnemental, mais c'est également un enjeu politique. Ce sont nos élus qui prennent les décisions sur cette question des déchets. Et en 2018, les 2 centres d'enfouissement sont censés fermer. Seulement voilà, Michel Fontaine, le président de la Civis, le concède. Les hommes politiques n'aiment pas trop se mouiller sur ces dossiers. C'est un extrait du magazine qui sera diffusé ce soir à 18h15. Ici chez nous, en 2018, c'est terminé. À Sainte-Suzanne, c'est terminé. Il y aura, bien entendu, un accord avec l'État pour que nous puissions prolonger, mais on ne pourra pas prolonger éternellement. Malheureusement, très souvent, on ne prend pas de décision parce que ce sont en période politique. Et il s'agit véritablement que la politique bloque tout. Je crois qu'aujourd'hui, le traitement des déchets regarde les élus de droite, de gauche, du centre, regarde l'ensemble des Réunionnais et je dirais aussi l'ensemble des élus. Il est grand temps qu'aujourd'hui, nous prenions des décisions pour que ce traitement des déchets permette véritablement à la Réunion d'être cette île accueillante touristique et qu'on laissera un patrimoine en bon état à nos enfants. Dans les coulisses du traitement des déchets à La Réunion, un magazine à retrouver ce soir à 18h15 sur Réunion Première. Il est signé Sophie Persson. 12h13 sur Réunion Première. Il est grand temps de faire un point sur l'actualité nationale et internationale avec France Info. Les avocats de Salah Abdeslam jettent l'éponge. Ils renoncent à défendre le seul terroriste du 13 novembre encore en vie. Parce que Salah Abdeslam refuse de collaborer, il ne dit pas un mot, se mure dans le silence. Et ça, c'est à cause de ses conditions de détention trop strictes aux yeux des avocats. La justice va enquêter sur le braquage de Kim Kardashian à Paris. Le parquet ouvre une information judiciaire. La star américaine s'est fait voler la semaine dernière 9 millions d'euros de bijoux par des hommes armés qui sont toujours dans la nature. Météo France place le département de l'Hérault en alerte orange. Des trombes d'eau vont s'abattre la nuit prochaine sur le sud de la France, des Pyrénées-Orientales aux Cévennes. Le déluge pourrait provoquer des inondations. L'évacuation du site du futur aéroport de Notre-Dame-des-Landes aura bien lieu cet automne. Manuel Valls le confirme ce matin. Ça se fera, insiste le Premier ministre, alors que les zadistes sur place se barricadent et se préparent à l'affrontement avec les forces de l'ordre. Et puis aux États-Unis, Donald Trump est de plus en plus distancé par Hillary Clinton. D'après un nouveau sondage, il y a désormais 8 points d'écart entre les deux candidats à la présidentielle américaine. Sondage réalisé après le deuxième débat télévisé et après le scandale sur les propos de Donald Trump sur les femmes. France Info. La suite du 12-13 sur Réunion Première avec C'est dans l'actu. Bonjour Philippe Dornier. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Aujourd'hui, une nouvelle fois, le débat de C'est dans l'actu s'annonce animé puisque ce midi, Philippe, on parle de la carrière des lataniers avec cette question, les possessionnaires ont-ils vraiment le choix? La mairie leur propose en tout cas trois solutions, Antoine, avec dans la balance une hausse d'impôts si la carrière n'est pas exploitée. L'association Latanier Nootkernvie propose une quatrième possibilité, sans impôts, sans carrière, mais avec tout de même des aménagements. Chacun pourra donner ses arguments dans un face-à-face d'une demi-heure. Pour ou contre la carrière des Lataniers, 02 62 99 2000, si vous souhaitez donner votre avis. Un coup d'œil vers le ciel avec Ingrid. Boostez votre journée en suivant la météo avec Fanamalt, boisson énergisante. Cet après-midi, le ciel se couvre davantage sur les hauteurs et par la suite, cette couverture nuageuse gagnera du terrain et s'étalera vers le sud-ouest avec quelques averses à mi-pente. Le vent de secteur est faible à localement modéré avec des rafales comprises entre 40 et 50 km/h sur les côtes nord et dans le sud sauvage. Et un régime de brise se maintient de la pointe des Galets jusqu'à l'étang Salé et la mer est peu agitée. Boostez votre journée en suivant la météo avec Fanamalt, boisson énergisante. Envie de fraîcheur ? Vous avez accueilli ce matin les premiers fournisseurs. Prisca sur Réunion Première. Lundi au vendredi, sur les étals des marchés de notre île, avec vous. Et la fraîcheur. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Retrouvez les avis de décès tous les jours sur Réunion Première. À 5h50, 11h50, 13h50 et 17h50. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuelle Obsèques et Complémentaire Santé. Du 13 au 16 octobre, Réunion Première vous invite à Sillaos pour fêter la lentille, patrimoine agricole et culinaire de Sillaos. Au programme, élection de la reine des lentilles et de la mamie lentille, une journée de la troisième jeunesse avec Joël Beg, une après-midi marmaille, un plateau artistique ainsi qu'un cross des lentilles. Dès jeudi, retrouvez sur Réunion Première Karen et Jean-Claude Machir pour suivre ces 4 jours de festivités au cœur de Sillaos où la lentille sera à l'honneur. Le Grand Raid 2016, c'est sur Réunion Première. Du 20 au 23 octobre, vivez les trois courses, la Diagonale des Fous, voilà qui s'élance, le Trail de Bourbon et la Mascarène. Réunion Première au cœur du Grand Raid avec des correspondants au plus près des coureurs, des invités, des consultants et des spécialistes en direct tout au long de l'événement. Par rapport à sa préparation, par rapport à la nature. Analyse, classement, résultats, interview. Le Grand Raid 2016, c'est sur Réunion Première. Suivez le Grand Raid avec Canal Grand Raid. Partagez la passion des coureurs avec Dynamalt, boisson énergétique officielle du Grand Raid. Suivez tous les exploits du Grand Raid avec les SUV Peugeot, partenaire officiel. Le saviez-vous? Les emplois créés par la filière sucre génèrent dans d'autres secteurs des emplois. Maintenant, vous savez pourquoi la filière canne-sucre est un moteur de notre économie. Filière canne-sucre au cœur de la Réunion. Première. Midi 18 sur Réunion Première, la carrière des lataniers, les possessionnés ont-ils vraiment le choix? C'est dans l'actu avec Philippe Dornier et ses invités. C'est le site le plus proche de la NRL, susceptible de fournir au chantier des roches massives. La carrière des lataniers représente 2 millions de tonnes et demie de matériaux, un potentiel qui ne sera exploité que si la mairie donne son feu vert, le terrain lui appartient. Mais la première magistrate, Vanessa Mianville, ne veut pas prendre la décision seule. Elle a fait le choix d'un sondage et d'une consultation citoyenne, trois réunions publiques fin septembre pour présenter trois options possibles. Un seul scénario envisage l'exploitation de la carrière et pas de hausse d'impôts. Les deux autres propositions prévoient des aménagements financés par les possessionnaires, notamment une voie d'accès à la NRL pour faire sauter les embouteillages. En toile de fond, une convention entre la région et, à l'époque, la majorité de Roland Robert, 10 millions d'euros à la clé. Peut-on se passer de cet argent et aménager tout de même le cœur de ville? Sur quelle base le conseil municipal va-t-il se prononcer le 14 décembre? Quelles seraient les conséquences d'une carrière pour les riverains? C'est dans l'actu sur Réunion Première. C'est dans l'actu. Réunion Première, Philippe Dornier. Et c'est donc un face-à-face que je vous propose ce midi entre, à ma droite, Stéphanie Gigant, la présidente de l'association Latanier Nootkin de Vie. Bonjour. Bonjour Philippe. Et à ma gauche, Jean-Christophe Espérance, adjoint de Vanessa Mianville. Bonjour. Bonjour à tout le monde, bonjour aux auditeurs. Vous êtes chargé de la démocratie participative, du développement économique et des espaces naturels à la mairie de la Possession. Pour réagir, le 02 62 99 2000 est à votre disposition. Également le 06 92 60 10-2000 en mode texto. Commentaire possible aussi avec le hashtag CDLAPremière de Twitter et sur la page Facebook. C'est dans l'actu. Alors on reproche souvent aux maires de décider à la place des habitants de leur commune. Là, Stéphanie Gigant, il y a une volonté affichée de donner la parole aux possessionnaires. Pourtant, vous critiquez quand même la démarche de Vanessa Mianville. Pourquoi ? On critique parce que on pense avoir déjà donné notre opinion dès l'origine lorsqu'on a glissé nos bulletins dans l'urne, parce que c'était une de ses promesses de campagne de s'opposer à la carrière, donc c'est l'une des raisons essentielles pour lesquelles on critique. Et la deuxième raison, c'est la façon dont les choses sont présentées. On a entendu lors des réunions publiques, on nous met le couteau sous la gorge, c'est du chantage, etc. Et effectivement, quand on regarde le tract qui a été distribué par la mairie et qui présente les trois options, eh ben, en gros, il n'y a que deux options, c'est la carrière ou les augmentations d'impôts. Et au niveau de la carrière, les impacts sont systématiquement minimisés. Alors que les bénéfices, entre guillemets, sont mis en avant. On parle d'un enjeu financier incontournable. Et par contre, on parle de je ne sais plus, 600 camions maximum. Enfin voilà, c'est très, tout cela est très orienté. Alors, deux premiers arguments importants. On va les reprendre un par un. Jean-Christophe Espérance, d'abord, Vanessa Mianville qui a été élue en se positionnant contre la carrière des lataniers. C'est vrai. C'est vrai. Vous ne pouvez pas le nier. Non. Bien sûr que non. Alors pourquoi, ça fait partie d'un argument. Voilà. C'était un des éléments de une des promesses de campagne qu'on ne peut pas et qu'on ne renie pas. Cependant, nous ne le renions pas actuellement. Ce qui a été intéressant lors de cette consultation, ce qui a été intéressant, c'est de ramener auprès des possessionnés, des contribuables possessionnés, des citoyens possessionnés, des habitants de la possession, eh bien, les nouveaux faits. Les éléments d'un débat qui était nécessaire. Mais qu'est-ce qui a changé depuis, justement ? Alors, qu'est-ce qui a changé ? C'est simple. C'est les éléments de la Convention, qui étaient effectivement inconnus jusqu'alors par la candidate Vanessa Mirandil et son C'est faux. Et son équipe. nous les avons découverts et nous les avons partagés immédiatement avec le collectif Nathalie Nkurdjie. Madame Mirambil était au courant avant son élection de cette convention, puisque j'ai un échange de mails où elle était parfaitement au courant de cette convention. C'est possible, Madame Gigant, que vous ayez cette perception, ce n'est pas la nôtre. Je n'ai pas cette perception, j'ai un échange de mails, monsieur Espérance. Vous pouvez l'avoir, vous pouvez l'avoir. Néanmoins, les analyses qui ont été faites, les études qui ont été menées sur cette convention et sur la potentialité, puisque nous avons été consultés par des entreprises qui ont bien sûr immédiatement pris contact avec l'équipe municipale. Tous ces éléments nouveaux, nous avons voulu les partager avec les possessionnaires pour qu'ils sachent exactement dans quel, effectivement, dilemme se trouve la municipalité. C'est le mot qu'a utilisé Vanessa Mirambil, qui était notre invitée matinale récemment. Oui. C'est un dilemme. On a une promesse. Néanmoins, je ferai remarquer une chose. C'est que, et une chose importante, un élément important, c'est que nous sommes en 2016, que la convention prévoyait une exploitation de carrière en 2015, que cette carrière n'existe toujours pas. Et surtout que cette convention donnait en fait simplement une obligation de moyens à la mairie de faire tout son possible pour que cette carrière puisse être exploitée. Et je ne vois pas comment la région a pu donner cette obligation de moyens à la mairie, sachant que le propre schéma d'aménagement régional lui-même interdit justement une exploitation de carrière sur ce site. Donc la convention que vous brandissez continuellement, est-ce que vous l'avez fait vérifier par des juristes compétents? Et est-ce que vous avez conscience quand même que la région vous demande quelque chose qu'elle-même vous empêche de faire à travers son SAR? Il y a des paradoxes là. Oui, c'est les paradoxes qui peuvent être relevés sur un texte qui peut être interprété par le collectif. Est-ce qu'il a été interprété par un juriste, comme vous le demande Stéphanie? Bien entendu. La convention prévoit également que le site doit être inscrit au schéma des carrières, ce qui n'est pas le cas. On va laisser Monsieur Espérance répondre point par point. Tout ce que vous dites, Madame Gigant, oui, fait partie de la convention. Et à ce titre-là, nous interpellons non seulement les citoyens de la possession, nous les mettons effectivement le plus objectivement possible conscients de la situation, mais nous interpellons également la région, nous en profitons pour interpeller la région et l'État. Parce que si vous lisez correctement la convention, il est clairement indiqué que c'est la région qui doit conduire cette opération, et je dirais même cette consultation, et que c'est l'État qui doit décider du oui ou non, cette carrière peut être exploitée. Nous ne faisons qu'interpeller, et nous en profitons pour associer pleinement, en pleine conscience, tous les citoyens de la possession. Alors, voilà la démarche que nous voulons mener. C'est évidemment très technique. Plus généralement, Jean-Christophe Espérance, conditionner les aménagements à l'ouverture de la carrière à moins d'accepter une hausse d'impôt, c'est pas forcément des habitants de la possession? Alors, il faut revenir à l'origine de cette convention. Et elle est, à mon avis, enfin, je l'ai bien encore relue, et nous l'avons fait justement expertiser. Il faut tenir gré et reconnaître une certaine habileté à l'équipe municipale précédente. C'est-à-dire ? Bien, c'est simple. Si on lit bien entre les lignes, cette convention a été écrite tout simplement parce que les autorités de l'époque pouvaient passer au-dessus de l'autorité de la municipalité de la possession pour inscrire la carrière au schéma des carrières, pour l'exploiter sans qui est le mot à dire des habitants de la possession et de leurs représentants de leur municipalité. Donc cette convention a été écrite dans ce sens-là, et bien entendu, il y a des termes qui doivent être respectés, et nous avons justement demandé à les expertiser. D'après vous, pourquoi la carrière n'est pas exploitée? Pourquoi nous avons attendu tout ce temps-là? Tout simplement pour voir, et avec la région, en partenariat avec la région, comment on pouvait justement mettre en œuvre ou pas cette convention. On va aller au standard 02 62 99 2000. Notre premier auditeur dans ce débat, c'est Michel, et on s'intéresse à cette carrière des Laitaniers jusqu'à Saint-Gilles-les-Bains au moins. Bonjour Michel. Oui, bonjour. Puisque c'est de là que vous nous appelez. Bonjour, Madame Gigant, et bravo pour votre engagement et même pour votre combat. Merci. Quasiment sans moyens. À Bois-Blanc, ils ont au moins les trois municipalités derrière vous. Là, je constate que la municipalité, elle est en face de vous. Bon, la question est pour Monsieur Espérance, que je salue. Votre maire, Monsieur Espérance, Madame Miranville, a fait un très joli courrier dans la presse quotidienne, il n'y a pas très longtemps, intitulé « Terrible nouvelle ». C'était quoi cette terrible nouvelle? Cette terrible nouvelle, c'était que la France avait vendu des avions de guerre à l'Inde. La vente des Rafales. D'accord. Voilà, c'est ça. Et alors elle dit, c'est inadmissible de mettre en péril la vie des enfants pour des raisons économiques, pour des sous, quoi, en clair. Or, qu'est-ce que vous allez faire d'autre avec cette carrière? Pour 10 millions, vous allez mettre en péril la vie de dizaines d'enfants? Des centaines de médecins ont signé une pétition pour dire que la carrière de Bois-Blanc, qui se trouve à 2-3 kilomètres des habitations, était dangereuse. Celle des Lataniers, elle sera à 300 mètres de la première école et des premières maisons. Vous pouvez pas faire ça pour 10 millions. Ah voilà, alors il y a un raisonnement qui peut se tenir dans un cas et pas dans l'autre, c'est ce que vous reproche Michel, que je remercie pour son intervention. Votre réponse à ça, Jean-Christophe Espérance. Ah Michel, merci. Bon, le premier point, c'est que aujourd'hui, je réponds en face de Stéphanie Gigant, mais la mairie n'a jamais été opposée au collectif Lataniers nos cœurs de nuit. La mairie a toujours agi a informé en permanence ce collectif des réflexions qui étaient menées autour du site de la carrière des Lataniers, enfin de cette ancienne carrière des Lataniers. Pour vous répondre, il n'est pas question, je vous le dis très clairement, que Vanessa Miranville ou son équipe mettent en cause ou mettent en risque ou en danger la santé des enfants possessionnés. Ça, ce n'est pas négociable. C'est un point qui doit être évalué très correctement. Nous sommes effectivement interpellés par la signature de 180 médecins qui mettent en garde et qui interpellent les autorités sur un risque restant de poussière émanant d'une exploitation de roches, d'extraction de roches. Ceci, nous sommes aussi assez ébranlés par le fait que l'ARS n'est pas divulgué son dernier avis concernant, avis positif, je le rappelle, concernant la carrière de Bois-Blanc. Et ce sont des éléments que nous acceptons de partager, de discuter. Et c'est pour ça que nous menons un débat, que nous voulons mener le débat sur la place publique en associant en tant qu'adultes tous les possessionnés. Votre réponse à ça, Stéphanie Gigant. Alors j'ai deux, il y a deux biais dans ma réponse. La première réponse, c'est que je suis d'abord une mère de famille. J'ai un petit garçon de 4 ans, une petite fille qui a 1 an. Si j'ai lancé le combat il y a 3 ans, c'est parce que mon fils justement avait 1 an, que l'école qu'il fréquente actuellement est effectivement quasiment à 300 mètres du site. Que la prochaine école qu'il va fréquenter sera à 50 mètres du lieu de passage de 600 camions par jour. Alors vous parlez des poussières, mais il n'y a pas que des poussières, hein. Il y a beaucoup d'autres nuisances d'une carrière, hein, les tiers de mine, etc., qui sont anxiogènes. Il y a aussi sur le site le stockage c'est du nitrate d'ammonium. Enfin voilà, donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres dangers que les simples poussières, la pollution, etc. Donc la première partie, c'est ça, c'est que mon combat, c'est d'abord en tant que mère que je le fais, en tant que mère et en tant que mère de famille, donc je précise, et en tant que citoyenne de la possession et aussi. Je suis préoccupée par la santé de mes neveux, de mes nièces, des enfants, de mes voisins, de mes concitoyens. Voilà. Et des Gramounes aussi, parce qu'il faut aussi dire qu'il y a un EHPAD tout proche du site. Et la deuxième partie de ma réponse, c'est justement sur le fait que, effectivement, vous dites, vous questionnez tous les possessionnés, mais vous imaginez bien que sur un territoire aussi grand, il y a forcément peu de personnes qui se sentent concernées. Votre sondage qui concerne 300 personnes, voilà, sur la possession, j'ai eu donc la liste des quartiers qui seront sondés avec le pourcentage par quartier. Et très simplement, hein, il y a 75% de ces 300 personnes qui sont issues de quartiers éloignés, qui seront peu ou pas du tout impactés par cette carrière. Et nous, on considère que ce sondage va complètement fausser les résultats. Parce qu'il suffit d'aller se renseigner un peu et vous lisez notamment l'Observatoire national des sondages, les articles qui sont très bien faits sur le sujet et qui vous dit que toutes les questions ne peuvent pas être traitées sur les critères de l'INSEE. Alors là, vous parlez, enfin, c'est Monsieur Thierry Denis, donc le directeur de cabinet, qui m'a transmis ces éléments-là en me disant que ça a été fait au vu des critères de l'INSEE. Mais les critères de l'INSEE, c'est de la représentativité générale qui ne peuvent pas être appliqués à une question aussi pointu. Tout le monde ne se sent pas forcément concerné, tout le monde ne va pas forcément se prononcer sur le sujet parce qu'il s'y connaît en carrière, parce qu'il s'y connaît en nuisance, parce qu'il va être impacté, mais peut-être simplement parce que, voilà, il va se prononcer par rapport à la politique de Madame Miranville ou par rapport au chantier de la NRL ou par... Voilà. Mais est-ce que c'est pas le principe d'un sondage, finalement, que tout le monde n'ait pas le même regard sur la question ? Eh bien non, justement, c'est que là, il y a la pertinence quand même dans le sondage. Parce que c'est cette question de pertinence, en fait, quand on pose un sondage comme ça, il faut quand même avoir un minimum de réflexion intellectuelle pour comprendre que, effectivement, les gens de Dodane ou de Pichette ou de même Mafate, ils vont pas se sentir aussi concernés. Et là, dans la proportion qu'il y a, il n'y a pas d'équité. Il y a une égalité, mais pas d'équité. Vous souhaitez qu'on interroge surtout les personnes qui habitent aux alentours. Voilà. Sur ce point bien précis. Jean-Christophe Espérance, je rappelle que vous êtes adjoint de Vanessa Miranville. Il y a une première orientation de la politique de Vanessa Miranville et de notre équipe. Elle l'a dit, c'est la transparence et c'est maximiser la participation citoyenne. Je dirais que le sondage, et je l'ai déjà dit à Stéphanie Gigant, ce n'est qu'un élément qui sera apporté à la réflexion. Ce n'est qu'un élément de la contribution citoyenne. Un sondage, Stéphanie, ça ne fait qu'apporter une tendance. Une tendance, elle doit être pondérée. Et forcément, elle va être pondérée en fonction des réponses des riverains. Et je rappelle que, quoi qu'il en soit... Quelle réponse, Monsieur Espérance ? Quelle réponse ? Celle que vous faites entendre pendant les réunions citoyennes. Il y a eu trois réunions citoyennes. Vos tracts, ils ont été distribués le jour même pour partie de la première réunion. Le reste, la semaine suivante. Mais donc Madame Gigant, vous ne pouvez pas nier, il y a eu environ 120 ou 130 personnes qui se sont déplacées lors de ces trois réunions. C'est pas grâce à vous. Et la grande majorité, étaient des riverains. Nous les avons entendus, ça a été l'occasion. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour dire que personnellement, et puis même plusieurs d'entre nous avons été un peu déçus de la faiblesse de cette participation. Quand nous amenons à la participation, appelons à la participation... Vous donnez un tract, je le dis encore le jour même, et puis ensuite la semaine d'ensuite, et vous donnez même pas les adresses. On a dû faire des plans d'accès pour les personnes parce qu'ils ne savaient pas où se trouver, telle case, telle... J'en sais rien. Bon, non, je vous rappellerai que 15 jours avant, on en parlait déjà, que c'était annoncé dans les journaux et dans certains organes autres de médias. Donc, il y a eu de la diffusion largement sur ces réunions publiques. Donc, il y a eu une participation massive des riverains. Et forcément, nous écoutons les riverains. Carrière d'El Atanié, les possessionnaires ont-ils vraiment le choix ? C'est dans l'actu sur Réunion Première ce midi. C'est dans l'actu. Prenez part au débat 02 62 99 2000. 99 2000. Et on va aller à la possession à Sainte-Thérèse, plus particulièrement à midi 36 pratiquement sur Réunion Première. On accueille Jean-Yves, bonjour. Oui, bonjour Réunion Première, bonjour tous les invités sur le plateau, ainsi que tous les auditeurs de Réunion Première, ils sont de plus en plus nombreux par les tirs. Ben oui. il y a ce projet de carrière là, à la possession. Je me sens un peu humilié, hein, puisque j'étais allé consulter les dossiers là, pour voir une photo aérienne. Où se situe cette carrière ? À moins de 500 mètres, tout autour, c'est à l'intérieur d'une ville, que des habitations. Et pourquoi vous sentez humilié, Jean-Yves ? Humilié, pourquoi ? Quand il y a eu la carrière pour combler la coulée de boue dans le nouveau port, là, c'est là qu'on avait commencé à démolir. De suite, après, il y avait des recours, on a annulé. On n'utilise plus cette carrière parce qu'on a évoqué les problèmes de nuisance et autres, et on posait même le problème de stabilité de ce site-là. Et aujourd'hui, on nous dit... Parce que quand il y a eu cette carrière à l'époque, les vibrations, il y avait des gens qui avaient fait des constructions en parpaing, ça a fissuré et autres. Là, aujourd'hui, on va avoir un trafic beaucoup plus élevé, et on met au milieu d'une société qui s'est développée en nombre de logements. Mais je me sens humilié. Comment on peut autoriser ne pas respecter l'humain? Et pourquoi je m'énerve un tout petit peu? C'est pour dire, on a la possibilité de ne pas utiliser cette carrière. Pourquoi on veut absolument rendre les hommes et les femmes, les enfants de la possession malades? Je suis moi-même handicapé. Quand je vois ça, je dis, mais pourquoi on ne respecte pas l'homme réunionnais, l'enfant réunionnais et la femme réunionnaise? Parce que cette carrière, c'est des nuisances. Et les enfants, quand ils vont fissurer les bâtiments et tout, et les enfants malades, qui prend en charge? Et de l'autre côté, on nous fait un chantage, on nous dit, sinon les travaux routiers, on ne le fera pas. Les travaux routiers. Alors, je vous interroge. Une intersection entre un chemin départemental, la CD41, et la nationale. C'est au conseil régional et au conseil départemental pour payer. Pourquoi Mme le maire nous insulte en disant si vous dites non à la carrière, on vous impose de payer des impôts, c'est pas à la commune de la possession. Pourquoi elle veut payer en lieu et place de ces deux institutions? Pourquoi ce mépris des élus de la possession quand vous avez une telle incompétence? Démissionnez, Mme le maire, et les conseillers qui les soutiennent, respectez-nous, nous les pas plus, nous les pas moins, mais respectez-nous. On vous a entendu, Jean-Yves, merci. Un point très précis et intéressant, effectivement. Alors, une route départementale, une route nationale qu'il faut relier, et c'est à la mairie de payer, Jean-Yves dit, c'est pas normal. Oui, Jean-Yves, je crois qu'il y a une grande... Alors, il est possible que la communication passe mal, il va falloir regarder un peu plus en détail. Il y a une confusion sur les termes de cette route. La route de liaison, c'est une route qui se situe en pleine ville. Hein. C'est, donc communal. Oui, c'est de compétence complètement. Oui, c'est une rue et c'est une voie de liaison qui est nécessaire pour désengorger le futur cœur de ville qui recevra, je le rappelle, 5000 nouveaux habitants à l'horizon 2025-2027. Donc là, il est certain que si on ne veut pas un coma circulatoire permanent dans le centre-ville de la possession, pour lequel forcément les élus seront interpellés, il faut trouver une solution. Cette solution, elle coûte au minimum 8 millions, au minimum. Stéphanie Gigant, vous aviez une quatrième solution par rapport aux trois options mises sur la table par la mairie. Alors, on peut la rappeler, hein, ça a déjà été dit dans nos, journaux. Alors, en fait, c'est vrai que nous, on propose une quatrième option. La quatrième option, ça serait de réaménager le site avec un réaménagement paysager et puis derrière avec de l'agroécologie, de l'agroforesterie. Aménagement qui coûte de l'argent, vous le trouvez où? Alors, en fait, nous, l'aménagement qu'on prévoit, c'est 100 000 euros. Voilà, donc après, c'est de la replantation dans des MIG, la mise en place de parcours pédagogiques, etc. Ce ne va pas être l'association. Nous, on présente en fait un projet alternatif. Hein. Après, ça sera effectivement à prendre en charge ou par une association qui souhaitera se positionner avec des projets d'insertion, des emplois, etc. à la clé. Et pour la liaison routière éventuellement. Et pour la liaison routière, donc on a également effectivement une autre option qui serait d'utiliser parce que là, donc, la liaison routière prévue par la municipalité dans ses projets, dans ses cartons, ce serait une liaison par la ravine des Lataniers avec l'aménagement de deux ouvrages d'art, donc deux ponts qui traverseraient la grande et la petite ravine et puis ensuite qui déboucheraient sur là actuellement l'avenue de Port-Louis avec des expropriations à prévoir parce qu'au bout de cette avenue c'est vraiment étroit, donc il faut savoir qu'il y aura forcément des expropriations et au bout encore il y a un stop, donc là on se dit mais qu'est-ce qui va se passer, toutes ces milliers de véhicules qui vont arriver, ils vont se retrouver sur un stop sur le CD41, alors comment ça va se passer? Donc nous ce qu'on prévoit c'est d'utiliser un pont déjà existant, celui de la ravine à Marquer, avec deux ronds-points à chacune de ses extrémités et puis des voies d'accès, donc effectivement à la quatre voies, la RN1. Et puis ça désengorgerait, ça créerait un nouvel accès donc de la possession sur cette RN1 et ça permettrait de désengorger les différents accès qui existent et qui sont déjà complètement engorgés. Qu'est-ce que pense la mairie de cette hypothèse? Que du bien. Vous voyez, c'est exactement l'intérêt de mener un débat citoyen et qui peut amener des solutions nouvelles, et d'ailleurs qui ont été transmises par le collectif, que nous allons recevoir vendredi, en fin de semaine, pour étudier davantage avec eux ces options et de les faire expertiser. Alors, faut savoir, enfin, moi je suis pas je suis pas expert en aménagement urbain, hein. Il y a des services et puis des bureaux d'études compétents pour cela, mais nous allons soumettre l'option du collectif, apporté par un navigant, à ces personnes pour les expertiser, nous dire le bien fondé ou non de ces options. 02 62 99 2000, on accueille Marie, devinez d'où? de la possession. Bonjour Marie. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, moi, c'est catégorique, je suis pour la carrière. Vous êtes pour la carrière? Oui, je suis pour la carrière. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Pardon? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Pourquoi vous êtes pour la carrière? Parce que y a un truc que j'arrive pas à comprendre, parce qu'on est trop contradictoire sur la possession. Depuis, ça fait quelques années qu'on se plaint, on est engagé dans l'embouteillage chaque fois que la route est basculée. Aujourd'hui, il y a une solution, la route est déjà commencée. Moi, je me suis dit aujourd'hui, il faut arrêter de se plaindre un peu. Les Roches, on prend un mada, c'est pas bon, à La Réunion, c'est pas bon. Moi, j'aimerais, c'est pour cette raison que je suis pour cette carrière, il faudrait trouver les Roches où il fallait. Je vais juste rappeler une autre chose. Quand on a fait le nouveau port de la possession, on a bien retiré les Roches ici. Et moi, j'ai une question par rapport à cette association. J'aimerais poser une question à cette présidente. Vous êtes qui pour représenter les gens des Lataniers? Ça fait 3 ans que vous habitez sur la possession. Moi, ça fait 48 ans que j'habite à la possession et je suis née à Lataniers. Deuxième chose, est-ce qu'elle était au courant? Est-ce qu'elle habitait à La Réunion? Je suis désolée, je fais pas de propos, voilà. Hein. Est-ce qu'elle habitait à La Réunion quand on a mené le gros combat sur la possession pour le gros central EDF, que je pense que c'est plus nuisible à la santé des possessionnés? Alors, question claire de Marie, réponse de Stéphanie Gigant. Bonjour Marie, alors je vous informe que je suis possessionnaise de naissance, voilà. Donc moi j'ai 38 ans, donc voilà, vous faites le calcul. Non, je n'étais pas là. C'était le bon angle d'attaque, visiblement. Je n'étais pas là donc pour le combat dont vous parlez, parce que j'étais en études, hors du département. Donc je n'étais pas là, je pense que si j'avais été là, je me serais élevée effectivement contre ce projet également. Ça ne fait pas que 3 ans hein, donc, que j'habite à la possession, vous l'aurez compris, loin de là. C'est ma ville de naissance et ce quartier, Camp Magloire, Lataniers, etc., ce sont les quartiers où j'ai grandi. Je ne me positionne pas comme une représentante des Lataniers ou quoi que ce soit. Je me représente tout simplement comme la représentante de mon association qui tente de préserver quand même ce poumon vert et historique de notre ville, que moi j'ai connu comme un terrain de jeu que beaucoup ont connu comme un lieu de villégiature et qui aujourd'hui, moi, je souhaite le préserver pour mes enfants et aussi pour la santé de mes enfants. Et je voulais revenir sur la première partie de votre intervention concernant le fait que, alors souvent, c'est pas un amalgame, mais quand on parle de carrière, forcément, on parle de la nouvelle route du littoral. Mais il faut savoir que cette problématique des carrières, elle provient quand même d'une aberration juridique à l'origine au niveau des études de la nouvelle route du littoral, parce que dès lors qu'ils ont fait l'enquête publique sur l'utilité publique de la nouvelle route du littoral, ils auraient dû inclure les impacts du transport et de l'extraction et du transport des matériaux. Ça n'a pas été fait, ça n'a jamais été relevé à l'époque. Malheureusement, l'arrêté d'utilité publique n'a pas été attaqué parce qu'à l'époque, 2 mois après, on ne savait pas qu'il allait y avoir toutes ces carrières. Aujourd'hui, je pense que tous les habitants, que ce soit à Bois-Blanc, Saint-Leu, étant salés, les avirons, même dans l'Est, ils se seraient peut-être déplacés pour une enquête publique à l'époque s'ils avaient su qu'il allait y avoir des chantiers de carrières près de leurs habitations. S'ils avaient su, je pense qu'ils se seraient déplacés plus en masse pour dire non justement à ce chantier de la NRL et qu'on aurait opté pour une variante beaucoup moins impactante pour l'environnement. Voilà pour votre réponse à Marie. Merci à elle de nous avoir appelés. Joël, lui, il a travaillé dans une carrière et nous appelle également de la possession. Bonjour Joël. Oui, bonjour. Bienvenue sur Réunion Première. Oui, bonjour tout le monde sur le plateau, merci. Bonjour. Alors je voulais prendre position et quand même remettre un peu les pendules à l'heure avec tout ce beau monde-là. Je vais expliquer certaines choses, c'est-à-dire que déjà moi j'ai travaillé sur le nouveau bassin portuaire de la possession où on a dû extraire les roches qui ont été approuvées par la direction départementale de l'équipement à l'époque et sur lequel était approuvé le test de Washington pour la pression de l'eau sur les roches de la ravine de Lataniers. OK. Et de ce fait, donc, pour moi, il n'y a pas de problème. S'il y a problème de poussière, toute chose s'étudie parce que... Ah, on a un problème de liaison, Joël. Vous nous entendez? Oui, je vous entends. Oui, on vous entend très mal. Ouais, on vous entend très mal. Allez-y. Je vous entends très bien. Ça s'est amélioré. Donc, je disais que par rapport à la possession, s'il y a carrière qui doit se faire, automatiquement, donc, on va devoir respecter un cahier des charges et en concertation avec tout le monde, parce qu'on ne peut pas dire. Ouais, le son est vraiment trop mauvais, Joël. On a compris ce que vous vouliez nous dire. Il y a un cahier des charges à respecter. Quand on ouvre une carrière, ça se fait dans certaines conditions. Est-ce que vous pouvez apporter des garanties, quelque part, Jean-Christophe Espérance, aux personnes qui sont inquiètes ? Merci, Joël. Alors, c'est l'objet de ce débat. C'est de trouver effectivement les informations, de le partager les plus objectivement. Hein. C'est-à-dire d'arriver à objectiver ce genre de sujet. Alors, il est certain qu'il y a deux angles dans lesquels il peut être perçu. Sur le plan symbolique, nous avons une candidate qui a été portée sous une bannière écologiste, qui est Vanessa Miranville, dans une équipe qui marquons un intérêt particulier pour la cause de la transition écologique et du développement durable. Et symboliquement, c'est vrai que d'avoir un sujet carrière à débattre en plein centre-ville, ça fait vraiment tâche. Vous reconnaissez vous-même, vous pourriez prendre position contre. Symboliquement, oui. Symboliquement, on peut. En revanche, pourquoi la politique, ne pas saisir cette opportunité alors ? Il nous semble que le débat citoyen, ce n'est pas simplement réduit à de l'idéologie ou du plan du symbole, sur le plan du symbole. Il nous semble important d'interpeller les citoyens sur l'honnêteté des éléments du débat. L'honnêteté des éléments du débat, c'est effectivement ce que rappelaient Marie et... Et Joël, c'est, une carrière, c'est pas forcément le source de nuisance qu'on indique. Alors que nous avons des sources de nuisance dans notre commune qui sont peut-être plus importantes. Je rappelle, 70 000 véhicules qui passent à 150 mètres de l'école en question. Il y a, en plus, il faut pas exagérer, quand Madame Gigant parle de 600 camions, j'ai vérifié personnellement les mêmes éléments du dossier qui sont partagés avec la Tanienne ou Cœur de Vie. Le maximum, c'est il y a un scénario avec 240 camions aller-retour et l'autre, c'est 344 exactement. Donc, quand on multiplie les éléments pour en faire des sources d'angoisse, c'est normal qu'il y ait des réactions. Il faut bien le comprendre, Madame Gigant, qu'il y ait des réactions dans le public qui aillent à l'encontre. Et nous, ce que nous disons, c'est qu'un débat citoyen, il doit être adulte avec des éléments objectifs. Voilà, Monsieur c'est tout. Espérance, 30 secondes de conclusion. Il y aura une enquête publique, si jamais il devait y avoir justement un dépôt de dossier, etc., il y aura une enquête publique avec tous les éléments, comme il y a eu à Bois-Blanc, avec les études de danger, les études d'impact, etc. Objectif. Là, vous demandez, effectivement, mais là, objectif. Vous demandez à la population de se prononcer sur un projet dont elle ne connaît pas tous les tenants et les aboutissants. On n'a pas l'avis de l'autorité environnementale, on n'a pas les études d'impact, pas les études de danger. Tout ça, la population ne l'a pas. Comment vous pouvez demander à la population de se prononcer sur un projet de carrière alors qu'elle n'a rien ? Car de toute façon, il y aurait une enquête d'utilité publique. Il y aurait une enquête d'utilité publique. Oui. Je rappelle que la population est appelée à se prononcer sur le respect ou non d'une convention qui a été signé entre la région. On ne va pas relancer le débat, on arrive à la fin. Il y aura une décision au conseil municipal du 14 décembre. On suivra ça de très près, évidemment. Stéphanie Gigant, présidente de l'association La Tanienne de Cardevie, et Jean-Christophe Espérance, adjoint au maire de la possession. Merci d'être venu débattre de cette question qui passionne évidemment les possessionnaires et au-delà, cette question de la carrière des lataniers. C'est dans l'actu demain. Grand raid, attention les dégâts. On se penchera sur les conséquences de l'ultra-trail sur le physique des concurrents. Une épreuve très difficile qui souvent laisse des traces. Il n'y a pas d'âge pour créer sa boîte. Grâce au microcrédit et à l'accompagnement des équipes de l'ADI, il est possible de créer ou développer sa propre entreprise avec un microcrédit. Rendez-vous avec l'ADI et ses partenaires du 10 au 14 octobre 2016. OT, microcrédit aide à ouvrir votre boîte. Plus d'infos au 0969 328 110. Appel non surtaxé. Ensemble l'ADI, Nena l'avenir. Première. Et on vous souhaite une belle journée avec Réunion Première Ingrid. Merci Philippe, rendez-vous demain après le journal de midi pour un nouveau sujet, donc le Grand Raid. Dansez dans l'actu, aujourd'hui dans la chronique écho, gros plan sur un réunionnais qui était lauréat du prix de la Technopole de Bordeaux. Ce sera juste après SS Chiron sur Réunion Première face au miroir. Ça vient toujours après l'effort. Quand tu te donnes à fond pour une cause, on te casse le dos. En face tout le monde sourit, derrière ça laisse place à l'hypocrisie. On te casse le dos, on te casse le dos. Pour te descendre ça tape tape tape. sur le clavier. Mais à l'heure d'aujourd'hui, ça fait mal comme des coups de bat, bat, bat. Dans la mêlée, force tes appuis de ton panami. Black, black, black. Comme un fêlé, allez-y, fermez-moi la porte. Apparemment, plus rien n'est important. Ce ne sont pas des paroles qui vont me stopper. Continuez à parler, parler, parler. Continuez à parler, parler, parler. Continuez à parler, parler, parler. Continuez à parler, parler, parler. Continuez à parler, moi je m'en bats. Continuez à parler, moi je m'en bats. Continuez à. Continuez à parler, moi je m'en bats. Continuez à parler, moi je m'en bats. Continuez à. Je reste calme, même si certains veulent que je rame dans mes erreurs, mais je suis très loin de tes rages. Je suis comme une poussière, je me laisse emporter par ce souffle, cette lumière qui m'éclaire dans le noir. Je marche, je cours, je respire loin des regards. Je fais ce que je veux, le mal ne m'atteint pas. Danse, chante, fly et fais comme moi. Tu verras de la force face au miroir. Continuez à parler, parler, parler. Continuez à parler, parler, parler. Continuez à parler, parler, parler. Continuez à parler, parler, parler. Continuez à parler, moi je m'en bats. Continuez à parler, moi je m'en bats. Continuez à. Continuez à parler, moi je m'en bats. Continuez à parler, moi je m'en bats. Continuez à. Je me sens libre à l'intérieur de cette cage, tel un oiseau qui se sent bien sans qu'il voyage. Les pieds sur terre mais la tête dans les nuages, hanté par des images qui me font tourner la page. Laissez-moi chanter, je me sens libre. Ta haine, je m'en bats, je préfère vivre. Je ne dis pas que je ferai jamais de faux pas, mais pour cela, il faudrait que je m'échappe pas. Continuez à parler, parler, parler. Continuez à parler, parler, parler. Continuez à parler, parler, parler. Continuez à parler, parler, parler. Continuez à parler, moi je m'en bats. Continuez à parler, moi je m'en bats. Continuez à. Continuez à parler, moi je m'en bats. Continuez à parler, moi je m'en bats. Continuez à. Continuez à. Continuez à. Très en vogue en ce moment, c'était SS Kyron sur Réunion Première face au miroir. Aujourd'hui, dans la chronique éco, Tessa Groman nous présente Sacha Baudouin, un réunionnais, lauréat du prix de la Technopole de Bordeaux. Il a mis au point une technique pour améliorer l'apparence du vin blanc grâce à des fruits tropicaux. Et ce prix de l'innovation va l'aider à créer son entreprise. La chronique éco, Tessa Groman. Sacha Baudouin est un amoureux du vin. C'est aussi un ingénieur agronome spécialisé dans les alcools. À La Réunion, où il vit depuis 11 ans, il a mis au point une préparation enzymatique dont il nous explique les propriétés. Il y a des vins blancs, lorsqu'ils sont exposés au phénomène de transport, avec l'effet de la chaleur en fait, ils peuvent laisser apparaître un trouble. Donc du coup, quand vous voyez ce vin-là, vous trouvez qu'il n'est pas joli. Et donc du coup, il existe différents traitements, et moi je propose un nouveau traitement à partir de fruits tropicaux. Sacha Baudouin a l'habitude de dire qu'il n'a jamais travaillé dans l'Hexagone. Il a réalisé son stage de fin d'études en Guadeloupe, 6 mois, sur un projet autour de la banane. Puis il a travaillé 3 ans dans une distillerie à La Réunion, avant de se lancer dans son projet personnel, il y a 2 ans, toujours à La Réunion. Ça pourrait très bien être applicable partout où il y a des fruits tropicaux, donc ça peut très bien être applicable en Martinique, ça peut très bien être applicable en Guadeloupe. Mais l'idée, c'est vraiment qu'on valorise la bioressource locale pour en faire des produits forte valeur ajoutée, qui sont ensuite redistribuées en métropole ou à l'international. Pour développer son projet baptisé Œnotropique, Sacha Baudouin s'est adossé au laboratoire de son université de Montpellier et a obtenu un accompagnement de la Technopole de La Réunion. Une aide précieuse qui lui a valu d'être lauréat d'e-lab, un concours d'aide à la création d'entreprises de technologie innovante. Puis, il a présenté son dossier au concours de la Technopole de Bordeaux, spécialisé dans les innovations autour des métiers du vin. Géraldine Régent est la responsable de la Technopole de Bordeaux. Nous, ce qu'on va étudier, c'est le potentiel économique, c'est-à-dire est-ce que le business model qui est développé par le porteur de projet nous paraît cohérent? Est-ce qu'il y a un potentiel d'innovation important dans ce qu'il présente? Et donc, c'est ces critères-là qui font qu'à un moment donné, on sélectionne les uns ou les autres. Sacha Baudouin a été sélectionné. Il a obtenu le prix Coup de cœur, ce qui va lui permettre de participer à Bordeaux au salon Vinitech, spécialisé dans les équipements des filières viticoles et vinicoles. Cette nouvelle reconnaissance des professionnels du vin va lui ouvrir de nouvelles portes. Ça permet aussi de crédibiliser, en fait, c'est ça qui est important, de crédibiliser le projet. Comme moi, je suis dans une démarche de création d'entreprise, après, moi, ça me permet de convaincre aussi les financeurs, que ce soit les banques, etc., que le projet est réaliste, sérieux et solide, en fait. Le salon Vinitech a lieu à Bordeaux du 29 novembre au 1er décembre. Retrouvez la chronique éco en podcast sur lapremière.fr. Et la chronique éco, c'est tous les matins vers 6h20 et le midi à 1h10. L'actualité en France et à l'étranger, c'est avec France Info dans moins de 3 minutes maintenant. Le temps pour nous d'écouter ce magnifique souvenir du groupe U2, With or Without You. In your side, I'll wait for you. Sleight of hand and twist of fate, on a bed of nails she makes me wait, and I wait without you. D'avoir choisi Réunion Première pour commencer votre après-midi. Il est 13h et voici le journal de France Info. Et l'info, c'est avec Virginie Lebrun. Bonjour Virginie. Bonjour, Salah Abdeslam n'a plus d'avocat. Franck Berton et Sven Marie annoncent aujourd'hui qu'ils renoncent à défendre le dernier membre vivant du commando des attentats du 13 novembre à Paris. Les deux pénalistes sont aujourd'hui convaincus que Salah Abdeslam ne s'exprimera pas devant la justice. Dans ce journal, gros plan sur la mobilisation des élèves d'une classe préparatoire d'un lycée parisien. Ils sont en grève, en solidarité avec une camarade handicapée, Amélie, qui souffre de la maladie de Lyme à un stade avancé. Elle ne peut plus accéder à la salle de cours au deuxième étage de l'établissement et la direction refuse de déplacer la classe au rez-de-chaussée. Certains l'ont adoré, d'autres détesté. Le commandant Cousteau n'a jamais laissé indifférent. Aujourd'hui, il est au centre d'un film qui retrace sa vie sous l'eau. L'Odyssée sort en salle aujourd'hui. On en reparle à la fin du journal avec Anaïg Oates, qui a rencontré à la station de biologie marine de Concarneau des hommes et des femmes que l'homme au bonnet rouge a inspirés. France Info. Salah Abdeslam ne s'exprimera pas devant l'injustice. Ces deux avocats en sont aujourd'hui convaincus. Le pénaliste français Franck Berton et son collègue belge Sven Marie annoncent qu'ils renoncent à défendre leurs clients. Selon eux, Abdeslam, qui reste le principal suspect des attentats parisiens du 13 novembre 2015, est muré dans son silence. Il ne dira rien sur les attaques à Paris, estiment les avocats. Pourquoi aujourd'hui ces deux pénalistes jettent-ils l'éponge ? Écoutez les précisions de Laurent Doulsan. Alors Franck Berton le rappelle aujourd'hui, c'est la décision de placer son client sous vidéosurveillance 24 heures sur 24 dans sa cellule qui est à l'origine de cette situation de blocage. À plusieurs reprises, Abdeslam avait fait savoir qu'il vivait